Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée dominicale. D'abord les grands titres. La question liée à la gestion des sites et des déplacés serait résolue à travers les séances de dialogue initiées par le gouvernement, souhait émis par le président de la CVR après que le ministère de l'Intérieur ait demandé l'identification des terres occupées par ces sites et pour connaître le propriétaire de ces terres. Les habitants de la ville de Muyinga réclament la mise en application de ce que les différentes formations politiques leur ont promis durant les périodes de campagne, comme le pavage des routes. La chronique nutrition de ce dimanche parle de l'importance de la consommation de l'oignon rouge. Voilà pour les titres. Alphonse Koubimana sur la mise en onde. Au micro, vous êtes avec Vestine Boutoyi. Encore une fois, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le deuxième vice-président du Sénat burundais met en garde toute personne qui aurait encore en elle la volonté de vouloir torpiller les activités de la Commission Vérité et Réconciliation en y introduisant le problème ethnique. Seriak Nshimirimana dit que cette commission ne cherche qu'à conscientiser les Burundais sur leur passé douloureux afin d'en tirer une leçon. C'était ce samedi à Gikuza en commune, Vugizo de la province Makamba, lors des cérémonies clôturant la première phase des travaux d'exhumation des restes humains en cette province. Jean-Pierre Misago. L'objectif de la commission Vérité et Réconciliation n'est pas de réveiller les vieux démons de différences ethniques. Si la CVR est en train d'exhumer les restes humains des victimes de la crise de 1972, c'est pour que tous les Burundais puissent connaître ce qui s'est passé au Burundi. Et le travail de la CVR devra s'étendre même sur d'autres périodes sombres qu'a connu le Burundi, selon Seriak Nshimirimana, deuxième vice-président du Sénat burundais. Ce sénateur adresse une sévère mise en garde contre toutes personnes manifestant l'intention de torpiller les activités de cette commission en faisant croire à l'opinion que cette commission ne se limite qu'aux événements de 1972 au Burundi. Pour lui, toute personne se réclamant défenseur des droits humains devrait emboîter le pas à cette commission. Seriak Nshimirimana informe que les pouvoirs publics comptent rassembler tous les restes humains trouvés dans différents coins du Burundi pour en constituer une leçon qui amènera les générations actuelles et même futures à dire plus jamais ça au Burundi. Le nombre d'habits des victimes des tueries de 1972 dans les communes de Mabanda, Vugizo, Makamba et Kayogoro en province Makamba dépasse celui des ossements humains exposés ce samedi à Gikuzi en commune Vugizo. Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR, fournit une explication. Plusieurs habits comparés aux ossements, vous pouvez dire il y a plus d'habits que d'ossements humains. L'explication est simple, c'est parce que il y a des victimes qui passent plusieurs jours exposées au soleil, dans la brousse et dont certaines parties du corps sont prises et mangées par des animaux. Le bilan des 6 semaines d'exhumation dans ces 4 communes de la province de Makamba fait état de 1981 victimes, avec plus de la moitié découverte dans les fosses de Gikuzi, selon le président de la CVR, qui informe que cette commission devra revenir travailler dans la zone sud du Burundi, puisque selon lui, plusieurs sources ont renseigné sur l'existence de plusieurs autres fosses communes. Jean-Pierre Misago depuis Gikuzi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. La commission Vérité et Réconciliation trouve que la question liée à la gestion des sites et des déplacés serait résolue via les séances et de dialogues organisés par le gouvernement, expliquant qu'il est le premier concerné. Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR, dit que sa commission enquête sur la probable responsabilité de ces déplacés dans le passé douloureux du Burundi. On l'écoute. Ces personnes qui ont fui leur colline, leur quartier et qui durablement sont ailleurs, elles ont fui quelque chose. Je donne un exemple, il y a ceux qui ont fui la crise de 93, qui n'ont jamais regagné leur colline natale, qui se sont installés ailleurs, ce qu'on appelait dans le temps les camps de déplacés, mais qui restent dans les camps de déplacés, mais qui vont cultiver sur leur colline. Ce discours, comme je dirige la CVR aujourd'hui, je l'ai capté, le gouvernement voudrait initier un dialogue avec ces populations qui sont encore dans ces camps de déplacés, parce que dans le pays, la situation n'est pas la même. Il y a des populations qui ont déjà regagné leur colline natale. Le contexte est donc différent. Je vous donne un exemple. Il y avait un camp de déplacés sur la Rovubu à Karusi. Les gens sont partis chez eux. Mais il y a d'autres sites où les gens restent. Pourquoi? Le gouvernement, les pouvoirs publics sûrement sont en train de comprendre pourquoi ici ça a marché, pourquoi là-bas ça n'a pas encore marché. Mais ce qui nous intéresse, nous comme Commission Vérité et Réconciliation, c'est de savoir les gens qui ont fui les collines. Sûrement, ils ont fui la violence. Certaines personnes ont perdu les leurs, c'est vrai. Notre mission, l'article 6 de la loi, c'est de savoir quelles sont les personnes tuées dans leur famille, quelles sont les personnes qui ont sauvé les autres dans leur famille. Et cet aspect-là est dans la loi. Mais le processus de vérité et réconciliation, s'il marche et qu'il est soutenu par toute la population, il permettra sans aucun doute à tout ce monde de regagner le village natal, la colline natale, parce que la vérité et la réconciliation signifient d'abord pardonner. En début du mois de septembre dernier, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire a demandé au gouverneur des provinces et le maire de la ville de Bujumbura d'identifier les terres occupées par les sites des déplacés afin de connaître s'il s'agit des terres domaniales ou s'ils appartiennent aux particuliers. Le gouvernement du Burundi vient de mettre en place un département en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre au sein du ministère de la Solidarité nationale. Selon Félix Sengendabanyikwa, secrétaire permanent à cette institution, cela va permettre d'avoir des données spécifiques et fiables. Il a dit ce jeudi lors de la présentation des réalisations trimestrielles. Il ajoute également qu'actuellement, des cas de violences ne sont pas alarmants. Suivez-le au micro de Lydia Gaimbare. Pour ce qui est des violences sexuelles basées sur le genre au niveau national, la situation est telle que, au niveau de notre pays, effectivement, les violences existent parce que on a même instauré un système de communication interne qui nous permet d'avoir totalité d'informations au niveau national parce que, avec les communications, les messages téléphoniques qu'on reçoit, on peut avoir le topo national. C'est avec ceci qui nous permet de pouvoir rédiger un rapport national sur les droits de l'homme pour montrer que c'est une question qui tient au cœur au gouvernement. Dans le décret qui réorganise notre ministère qui vient de sortir, il a été aussi mis sur pied en département en charge de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Mais également, faut-il vous le rappeler qu'il y a aussi une loi spécifique en rapport avec la répression de ces violences basées sur le genre, raison pour laquelle on sera pratiquement outillé pour qu'on puisse avoir des données fiables et chiffrées au niveau national. Pour ce qui est du décret qui vient de sortir, on vous informerait aussi que à travers le décret, on vient aussi d'instituer que les représentations qu'on avait au niveau provincial, qui étaient des centres de développement familial, viennent d'être rénovées comme des départements, comme des directions provinciales de développement familial et social. Raison pour laquelle, donc, on sera à mesure de pouvoir collecter pas mal d'informations au niveau national et pouvoir vous livrer un rapport qui est fiable au niveau de tout le pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé 4 minutes au studio de la radio Isanganiro. Continuons ce journal. Trois fidèles de l'église méthodiste et libre ont été blessés pendant les affrontements des fidèles de cette église le matin de ce dimanche à Marambo. C'est en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Quatre personnes parmi les membres de deux chorales ont été vite appréhendées pour question d'enquête. L'administrateur de la commune Rugombo a pris la décision provisoire de fermer cette église en attendant que ce conflit soit réglé. Le programme alimentaire mondial, PAM, vient de recevoir le prix Nobel de la paix pour ses efforts en vue de nourrir les plus démunis, selon son rapport publié le 16 de ce mois, un rapport intitulé « Le coût d'une assiette ». Parmi les 20 pays les plus malheureux du monde, 18 se retrouvent en Afrique. Plus de détails avec Mary Jean Nyongou. Selon le rapport de cette organisation publié le 16 octobre de cette année à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, un rapport intitulé « Le prix d'une assiette », le Programme alimentaire mondial, agence des Nations Unies, vient de recevoir le prix Nobel de la paix pour ses efforts en vue de nourrir les plus démunis. Ce rapport comporte un index indiquant quelle proportion du revenu journalier moyen un habitant doit consacrer à l'achat d'une assiette de riz aux haricots. Parmi les 20 pays les plus mal lotis, 18 se trouvent en Afrique subsaharienne. Le Sud-Soudan vient en tête et doit consacrer 186% de ses gains journaliers pour se payer un plat aussi simple, suivi par le Burundi, qui consacre près de la moitié de son revenu au quotidien, avec un 3% de sa population en situation de malnutrition. La République démocratique du Congo vient en 9e position, avec plus de 20%. Le Congo-Brazzaville, lui, occupe la 10e place, avec plus de 15%. Le Rwanda vient en 15e position, avec plus de 9%, tandis que la Mauritanie occupe la 20e place avec un taux de plus de 7% de sa population en situation de malnutrition. Merci Aimé Richard Nyonguru. Des habitants de la ville Muyinga réclament le pavage des routes de cette ville, programme toujours vanté par différentes formations politiques lors des périodes de campagne. Lors des différentes réunions animées à l'endroit de la population, l'administrateur de la commune Muyinga et le gouverneur de cette province précisent que c'est une préoccupation partagée avec l'autorité qui cherche encore d'éventuels partenaires de ce projet difficile à exécuter avec les seuls moyens financiers mobilisés localement. Dieudonné Zeyman. S'il faut choisir entre les projets prioritaires, les routes pavées battent le record chez des habitants de la ville de Muyinga. Dans certains quartiers comme Kiwogoye, Gasenyi, Gakashi ou par endroits, les propriétaires de véhicules rentrent à pied, laissant leurs voitures en ville faute de passage. Des habitants réclament avec insistance le pavage des routes. C'est urgent que la ville soit aménagée. Avoir des routes avec des caniveaux permettrait aussi le cadrage des eaux de pluie qui font des dégâts en amont et en aval de la ville de Muyinga, jugé des habitants. Le pavage de cette ville est attendu depuis des années. C'est une promesse aux lèvres des politiciens lors des campagnes. Et lors d'une réunion tenue par l'administrateur de la commune Muyinga il y a plus d'une semaine, cette question revient. Et lors de la rencontre des natifs de la province Muyinga, un des natifs va jusqu'à demander le pavage d'au moins une rue avec des pierres. Richesse est visible ici et là sur les collines. Le gouverneur de la province et l'administrateur de la commune Muyinga reconnaissent que c'est un projet nécessaire. Le seul défi, la mobilisation des fonds nécessaires. À tout un chacun de se mobiliser pour trouver des partenaires financiers et techniques pour la réalisation de ce projet. Muyinga, Dieudonné Zeyimana, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'oignon rouge est l'un des aliments de grande importance pour se prévenir contre différentes maladies comme l'hypertension artérielle et le cancer. Selon Jean-Paul Wineza, le nutritionniste, l'oignon rouge contient plusieurs vitamines, dont celle du type A. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Les oignons rouges constituent une source de vitamine C et empêchent la formation de caillots sanguins dangereux. Selon Jean-Paul Wineza, il explique que les oignons rouges aident à combattre le cancer. Veuillez nous excuser de cet élément qui n'est plus sonore. Ainsi, alors, s'achève ce journal de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubrimana pour sa collaboration technique et Vestine Bouto. J'étais à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi.